La nouvelle de la réussite totale à l'essai de la bombe à hydrogène à charger à la fusée balistique intercontinentale encourage plus les militaires et civils coréens en grande marche avec l'esprit de la confiance en soi. Soo Gwang-chol, officier de l'armée populaire de Corée, a dit « Le nouveau tonnerre nucléaire de la Corée Sungun centuple la confiance en la victoire chez les militaires de l'armée populaire. » Si les États-Unis continuent leur politique d'hostilité anachronique et les provocations téméraires contre la Corée, la puissante armée révolutionnaire Paektusan éliminera une fois pour toutes cet empire du mal sur la planète avec ses puissantes armes nucléaires de la justice. Kim Un-chol, chef adjoint de département du comité central de l'Union de la jeunesse kim-il-suniste Kim Jong-liste, a affirmé que le nouvel essai de la bombe à hydrogène est la manifestation de la vigueur et de la volonté indomptable du peuple coréen qui a soutenu absolument la nouvelle ligne du parti consistant à développer parallèlement les forces nucléaires et l'économie nationale. Song Myung-ho, ingénieur en chef du complexe d'acierage Cholima, a fait remarquer que plus les forces hostiles, les États-Unis en premier lieu, recourent à la menace et aux sanctions, plus se renforce la puissance de la Corée du Sud qui porte haut la bannière de la confiance en soi. Yun Chun-hwa, présidente du comité de gestion de la ferme coopérative de Chongsan de l'arrondissement de Kangso, et Ryu Song-un, directeur de l'atelier numéro 111 de l'Académie nationale des sciences, ont souligné que sous la conduite du dirigeant suprême Kim Jong-un, les militaires et civils coréens mettront un terme à la confrontation anti-américaine qui continue de siècle en siècle et édifieront à coup sûr une puissance socialiste sur ce territoire à l'envi du monde.